Donc c'est avec grand plaisir que je participe à la présentation de cette collection Lecture du judaïsme, une collection qui significativement est parue aux presses universitaires de France, et non pas dans une maison d'édition juive, et non pas dans une maison d'édition spécialisée dans les religions. C'est dire que cette collection s'adresse au grand public, en tout cas au public cultivé. C'est une collection importante dont les premiers volumes ont paru à la fin de l'année dernière, qui en est actuellement à son cinquième volume, qui a paru très récemment. C'est une collection qui ambitionne de présenter les grands thèmes du judaïsme. Et je pense que cette collection est d'autant plus précieuse que si en général la Bible est assez facilement accessible, il n'en va pas de même des grands écrits, des autres écrits juifs, en particulier le Talmud, qui est le complément indispensable, indissociable, la loi orale par rapport à la loi écrite, le Talmud, la littérature rabbinique et toute cette tradition d'interprétation qui s'est poursuivie jusqu'à nos jours. Une des caractéristiques justement du judaïsme, c'est que la Bible, ce que nous appelons, je pense un peu à tort, l'Ancien Testament, ce que les chrétiens appellent un peu à tort l'Ancien Testament, la Bible a été relue dans une tradition qui s'est poursuivie des origines, la tradition orale est censée remonter à Moïse, qui s'est poursuivie jusqu'à nos jours, qui s'enrichit encore de nos jours et qui n'est évidemment pas terminée. Je ne parlerai pas beaucoup plus longuement, simplement pour vous dire un mot de l'organisation de cette séance. Je vais donner la parole à M. Hervé Landau pour qu'il nous présente succinctement la collection. Ensuite, je donnerai la parole à M. Alvarez Pereira et au rabbin Eliashev pour un des volumes de cette collection, avec un temps de discussion. Je donnerai ensuite de nouveau la parole à M. Landau pour l'ouvrage qu'il a écrit, également en temps de discussion. À la fin, M. Landau nous parlera des autres projets dans cette collection, un bref temps de discussion, et après, les auteurs présents seront pleinement à votre disposition. Donc, nous nous donnons schématiquement une heure pour cette première partie de présentation. Mais une large place est faite évidemment à la discussion. Monsieur Landau, si vous avez le temps de souffler depuis votre train, je vous donne la parole. Je vous remercie, Monsieur Marx. Je voudrais d'abord remercier la librairie au Berlin pour cette initiative, pour cette invitation. Remercier également la mairie de Strasbourg, sous le patronage de laquelle tout cela se déroule. Et c'est un honneur et un plaisir. Je voudrais ensuite m'excuser sans m'étendre pour le petit retard que je vous ai fait et l'état dans lequel vous me voyez qui n'est pas complètement habituel. Mais ça m'a fait faire un petit jogging qui m'a mis en condition pour un échange plus dynamique. Et vous remerciez vous d'être là. Pour ce qui est de la collection, elle est à notre sens effectivement très innovante, c'est comme ça qu'elle se veut. Et j'aimerais expliquer en quelques mots sur quel point. Nous vivons une période qui, dans la communauté juive de France, est particulière, mais cette particularité que je vais évoquer est peut-être un reflet plus large de ce qui se passe à d'autres niveaux de notre société. Pour ce qui est de la communauté juive de France, c'est une communauté qui est très intégrée dans la société, qui est très civique, qui est très attachée à une intégration harmonieuse entre le culturel, l'universitaire, le social et différentes dimensions, on peut dire même le politique. Et d'un autre côté, c'est une communauté qui a connu une grande révolution à la fois démographique et culturelle au cours des 30 dernières années. Il y a eu des mutations démographiques considérables, il y a des gens qui sont venus de pays décolonisés, il y a des gens qui ont émigré en Israël parce qu'ils ont un certain idéal, et puis surtout il y a eu une grande ouverture de communication, de voyage, qui a entraîné un déplacement massif des jeunes depuis 30 ans vers les écoles talmudiques israéliennes, ces mêmes jeunes revenant après quelques années, j'en ai fait partie, en France, pour soit devenir rabbin, soit devenir enseignant, soit exercer d'autres métiers profanes, tout en continuant, en poursuivant leur étude. Cela signifie quoi? Cela signifie que le niveau d'érudition, je dirais, d'origine, collé au texte, dans la connaissance très intime, très technique, très vaste des textes, et les textes juifs, je ne prononce sur aucune autre religion, mais je parle de ce que je crois un petit peu connaître, les textes juifs sont d'une immensité absolue. Et dans le sens où chaque étudiant qui se penche sur une page de Talmud est amené immédiatement à consulter des centaines de références. Ce qui s'est passé dans les 30 dernières années, c'est que le monde juif français a connu une élévation croissante du niveau d'érudition des textes de source, comme on n'en avait probablement pas connu depuis le Moyen-Âge en France, et en plus de manière massive. Parallèlement à cette évolution de l'érudition, il y a le fait que le monde qui est le plus impliqué dans cette étude est un monde qui s'est aussi un peu détaché de la culture française, de sa langue, et de sa langue je dirais non seulement au niveau de l'écriture, mais quand je dis langue, je parle également la langue conceptuelle, la manière de développer une pensée, la manière de l'exprimer, la manière de l'amener. Et du coup, on trouve depuis une quinzaine, une vingtaine d'années, une dichotomie qui progressivement se prononce, un fossé qui se dessine entre quelque chose qui est un énorme progrès, celui de l'érudition, et quelque chose qui, à notre sens, représente une certaine régression au sein de notre propre communauté. C'est la difficulté, lorsqu'il y a de l'érudition, de la traduire dans une pensée qui reste totalement accessible à la société, à la culture française, que ce soit dans le cadre juif ou dans le cadre plus large de l'ensemble de la société, que ce soit dans notre dialogue interreligieux ou dans le dialogue civique. C'est principalement de ce point-là qu'est née l'idée de cette collection. C'est-à-dire prendre toute la mesure de l'érudition, du retour au texte, dans son sens le plus fort et le plus large d'un côté, et ramener cette érudition dans une expression qui soit profondément empreinte de culture française, et je dirais d'une culture et d'une formulation qui soit digne des problèmes de notre époque, qui répondent aux problèmes de notre époque. Et c'est là que j'en viens très rapidement à un autre aspect. Je disais que ça reflète également des questions de société qui dépassent notre collection et la communauté juive. De quelle manière? Nous vivons actuellement une époque, mais quand je dis une époque, c'est même les dernières années, les derniers mois. Dans les derniers mois, on voit sur le point que je m'apprête à évoquer une évolution très rapide. Une époque où la lecture du livre est en train de s'évaporer. Si la librairie Oberlin et d'autres librairies multiplient les éléments de ce type, c'est parce que, comme les éditeurs, il y a une véritable inquiétude. Je sais que, pour être très très impliqué dans le monde de l'édition, les 6 derniers mois ont été des mois très difficiles pour le monde de l'édition. Les gens, le mode de vie qui est le nôtre fait que les gens n'ont plus le temps de lire, et même les gens de grande qualité intellectuelle. C'est un autre problème de couche sociale. Il y a des couches sociales, je dirais, qui d'antan étaient considérées comme cultivées, qu'ils sont de moins en moins. Mais même les classes très cultivées ont de moins en moins le temps de lire. Il y a donc un problème quantitatif. Il fallait des petits formats. Il fallait être capable d'écrire d'une manière extrêmement dense, accessible, mais dans un format. Un jour, j'évoque ici quelqu'un que j'ai beaucoup, beaucoup aimé et qui m'a ouvert toutes ses portes, avec qui j'ai vécu une aventure magnifique, qui était le patron des PUF, le président directeur général des PUF jusqu'il y a peu, qui est décédé en mai, malheureusement, de manière très surprenante, Michel Prigent. C'est un homme dont je pourrais parler des heures, mais je citerai très simplement une phrase quand il a pris ça en main. Il m'a dit, c'est cela, il faut pouvoir le lire entre Lille et Paris. Alors, ça dépend qui, mais c'est... Peut-être que ce soit Paris-Strasbourg, ça dépend, oui, puis sinon il y a Paris-Bordeaux éventuellement, mais Paris-Nantes. Mais c'était une phrase de Michel Prigent, c'était vraiment... Et d'ailleurs, quand j'ai approché Michel Prigent tout au départ de cette aventure, l'idée c'était, c'est comme ça que les PUF l'ont proclamé, le que sais-je de la pensée juive. Ça, c'est sur le plan quantitatif. Sur le plan qualitatif, il y a un autre aspect. Nous sommes ici trois personnes, trois auteurs. Le rabbin Milevski, qui vient de sortir un livre magnifique sur les fêtes de Rosh Hashanah et Kippour, qu'il appelle les convocations d'automne, donc qui sont d'actualité cette semaine, puisque ça commence la semaine prochaine. Il devait être des nôtres, il a eu un empêchement parisien. Pourquoi je mentionne cela? Parce que nous sommes des profils très différents. Nous ne sommes pas tous rabbins, la majorité ne le sont pas. nous avons tous une forme d'érudition poussée, acquise dans des voies différentes et dans des contextes différents. Et là, j'en arrive à la question de la légitimité. Dans le monde qui est régi par Internet, par une écriture qui, sur le plan du sens, est une écriture fausse, c'est une écriture quantitative, c'est une écriture où il n'y a plus de hiérarchie, où il n'y a plus de légitimité, on ne sait plus qui est légitime à écrire quoi. Il y a des tas de bonnes choses. Il y a des tas de choses absolument abominables ou condamnables ou tout simplement sans aucun intérêt. Nous sommes inondés. Ce que j'appelle d'ailleurs dans mon ouvrage le maboul, le déluge de la parole, le déluge de l'écriture, qui est aussi grave d'une certaine manière que le tsunami physique. Eh bien, dans ce monde-là, il fallait reconstituer une légitimité justement fondée sur toutes les sensibilités de l'érudition et toutes leurs voix. Et on pourrait longtemps parler de la collection, et je vais m'arrêter là parce que je voudrais laisser la parole à mes collègues. Et c'est un point majeur également dans notre démarche. Les gens qui participent à cette collection sont des personnes qui ont une énorme légitimité dans ce que Michel Prigent précisément appelait la tradition du savoir. Les traditions du savoir, qui ne sont pas que religieuses, qui sont dans des cultures éloignées, etc. L'université, et qui mieux que les presses universitaires de France respectent l'université, mais parce qu'elles sont les presses universitaires de France, se refusent à la vénérer. Et donc se refusent à un monopole de... Et j'espère que je ne vous choque pas, monsieur Maris. Se refusent à un monopole de la parole exclusivement universitaire si elle n'est pas profondément imprégnée de différentes formes de tradition de savoir. C'est à travers les profils des auteurs que nous réunissons dans cette collection, et bien c'est également cela que nous voulons reconstruire sur la parole juive, dans la pensée juive en France, un référent, c'est-à-dire une collection référente, qui mêle toutes les sensibilités de l'érudition, du retour au savoir et la tradition du savoir. Je pourrais en dire plus, mais peut-être après, je préférerais m'arrêter là, pour laisser la place à d'autres. Je dirais simplement quels sont les titres qui ont paru de Henri Infeld, Éducation et judaïsme entre profane et sacré. C'est le débat entre l'éducation dans les yeshivos, dans les écoles rabbiniques et l'éducation aux sciences, dans la société civile, si vous voulez, les deux formes d'éducation, l'école publique, si vous voulez, les cheveux. Il y a le rabbin Milevski qui a été évoqué, qui a deux ouvrages, les fêtes de pèlerinage dans la tradition juive, c'est-à-dire Pâques, Pentecôte, Soukhot, fête des tabernacles, et puis celui qui vient de paraître, les convocations d'automne, Rosh Hashanah, donc le nouvel an, et Kippour, ce qu'on traduit en fait des expiations, je ne sais jamais beaucoup plus ce titre. Les deux autres ouvrages, les auteurs sont là, et je vais tout de suite présenter, donner la parole à leurs auteurs, de M. Franck Alvarez Pereir et du rabbin Aaron Eliashef, l'idolâtrie ou la question de la part. Alors, l'idolâtrie, ça paraît une question très technique, l'idolâtrie opposée au monothéisme. Et c'est vrai que des théologiens ont pu dire qu'une des un des apports spécifiques du judaïsme et une des missions, une des vocations du judaïsme était de préserver les autres religions de la tentative idolâtrique. Maintenant, en lisant cet ouvrage, on s'aperçoit d'une part que la notion d'idolâtrie est conduite au cœur de la pensée juive, c'est pas simplement une petite question technique parmi d'autres, et on s'aperçoit que cette notion d'idolâtrie est beaucoup plus complexe que la simple définition à laquelle je faisais allusion, à savoir l'existence d'autres divinités qu'on adorait à côté du Dieu unique. Mais enfin, messieurs, vous direz ça beaucoup mieux que moi. Je pense pas. Je vous le mets sous la main. Moi, je pense que vous le dites très bien. Si vous voulez, la question, c'est... c'est vrai qu'on en a... On est un peu obligé de dire que le problème de l'idolâtrie, si vous voulez, c'est quelque chose auxquelles on est obligé d'avoir réfléchi et d'avoir, disons, des réponses claires sur ce que c'est et surtout sur ce que ça n'est pas. Parce que, comme on essaye de l'expliquer au départ, c'est de l'idolâtrie. Si vous demandez à des gens à l'heure actuelle qu'est-ce que c'est que l'idolâtrie, il y a quoi ? Des gens, je sais pas, des footballeurs, des images. Bon, mais tout ça, c'est pas très. Un peu plus fort, s'il vous plaît. Je vais parler plus fort. J'osais pas parler trop fort. Ils se plaignent en général, les gens, une fois que je parle trop fort. Non, ça veut dire, si on demande aux gens à l'heure actuelle qu'est-ce que c'est l'idolâtrie, et la problématique de l'idolâtrie, c'est pas, si vous voulez, c'est pas un problème qui a l'air. On sent qu'il est important, mais sans plus. On a l'impression qu'on est sorti de cette problématique-là, et si il en reste des choses, alors on dit, ah ouais, c'est l'argent, voilà, l'idolâtrie de l'argent, l'idolâtrie de toutes sortes de personnages, ou des choses comme ça, mais on sent que, bon, voilà, une fois qu'on a dit ça, on n'est pas très avancé, quoi. Donc ça, c'était un premier élément. Et c'est pourquoi il y a le sous-titre que je n'ai pas cité. Voilà. Et donc, mais ce qu'on a voulu faire dans ce livre, enfin, je pense, c'est, si vous voulez, on ne s'est pas du tout attaché, et donc, voilà, il faut qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, on ne s'est pas du tout attaché directement à se demander si, par rapport au judaïsme, les autres religions, ou les autres pensées, ou les autres en général, quoi, étaient dans l'idolâtrie ou pas. Ce livre ne parle pas directement de ce sujet. Il en parle indirectement. Ce qu'on appelle en hébreu « amevin yavin », ça veut dire « celui qui comprend, comprendra ». Mais on n'en parle pas directement. Par contre, ce qu'on a essayé d'expliquer, c'est qu'est-ce que c'était l'idolâtrie des Juifs, actuelle, aujourd'hui. Ça veut dire en quoi le peuple juif, à l'heure actuelle, serait éventuellement dans une démarche idolâtre, mais avec la définition d'idolâtrie qui n'est pas, comme l'a dit Monsieur Marx, un problème de savoir combien il y a de dieux. Ça, c'est un problème extrêmement secondaire. C'est pas du tout très intéressant. Par contre, ce que c'est vraiment l'idolâtrie, c'est-à-dire pas ce qu'on a dans nos têtes et ce qu'on, voilà, cette espèce de représentation de la problématique de l'idolâtrie, mais savoir exactement de quoi on parle quand on parle d'idolâtrie et en quoi, pour le peuple juif, c'est fondamental et en quoi le peuple juif permet ou pas aux autres, éventuellement, à condition que lui-même n'y soit pas, de permettre aux autres de sortir de l'idolâtrie ou d'avoir une réflexion sur l'idolâtrie, c'est un peu le sujet du livre, quoi. Donc, si vous voulez, c'est pas une description du problème, c'est le problème lui-même. Donc c'est pour ça qu'entre Paris et Lille, pour ce premier ouvrage, bon, il va falloir que le train ait un peu de retard. Il faut l'avouer. Mais en vérité, non. Ça veut dire, il suffit, on peut quand même s'en sortir. Si vous voulez, c'est pas très compliqué, il faut juste un peu comprendre, se dire qu'on ne va pas trouver ce qu'on se dit qu'on trouvera quand on parle de l'idolâtrie. Et une fois qu'on a accepté ça, alors ça va tout seul. Et alors, maintenant, pour rentrer dans la matière du sujet, je rappellerai que si l'on se détache des figures modernes de l'idolâtrie que le rabbin Eliashef a rappelé, et si l'on en vient à ce qui est classiquement considéré comme de l'idolâtrie, ces façons classiques de considérer l'idolâtrie, mais c'est déjà une des façons élaborées, c'est de dire que l'idolâtrie consiste ou bien à adorer un autre Dieu que le sien, ou d'autres divinités que la sienne, ou bien que l'idolâtrie consiste à adorer sa divinité, mais de façon plus ou moins dévoyée, par le biais d'intermédiaires qui finissent elles-mêmes finalement par devenir une divinité et qui n'a peut-être plus tellement de rapport avec celle que l'on est censé servir. Donc là, on vient, je dirais, à des expressions relativement classiques et balisées de l'idolâtrie, déjà dans un cadre religieux installé, dans une référence religieuse que l'on partage ou pas, mais enfin, dans laquelle l'idolâtrie est identifiée. Maintenant, on a fait plusieurs pas de côté sur le principe, le rabbin Eliashef a expliqué pourquoi et en quoi ces pas de côté ont été faits. Maintenant, je voudrais revenir peut-être aux textes eux-mêmes, en tout cas dans l'expression que la Bible le Tanakh, c'est-à-dire les trois grands ensembles du texte biblique, ou même, pour commencer, les cinq livres, dits livres de Moïse, le Pentateuch, ou le Chumash, ça dépend de l'expression que l'on veut choisir et la langue que l'on veut choisir. Bien. Alors, je commencerai par deux références, mais ensuite, très rapidement, je citerai l'itinéraire que nous avons accompli à l'intérieur du texte biblique, dans les cinq livres de Moïse, et la manière dont, finalement, la question de la part émerge assez vite, même très vite, pour caractériser cette question et cette problématique de l'idolâtrie. Pour ceux qui connaissent le texte biblique, nous nous trouvons devant des formulations qui sont, je dirais, finalement très claires. Au quatrième chapitre de Bereshit, vous avez ce verset de la Genèse. Vous avez ce verset qui dit que le troisième enfant de Adam a eu lui-même un fils, et ce fils s'appelle Enoch. Et que, à partir de lui et de sa génération, on a commencé à invoquer le nom divin. Et à partir de là, la question se pose, est-ce que, on a rendu un service au Créateur, à partir de là, sous-entendu, jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de service. Mais le grand commentateur Rashi dit tout de suite que, même si on aurait commencé là, et même si l'on a commencé avant, il se passe une chose assez terrible de cette époque-là, c'est qu'on a invoqué le nom dans tous les sens et de façon tout à fait dévoyée. Et de là, l'un des décisionnaires, Maïmonide, date ce que l'on pourrait appeler avec lui les débuts de l'idolâtrie, ou une certaine forme de l'idolâtrie. Vous avez, beaucoup plus loin dans le texte biblique, le premier des dix commandements tels qu'exposés au mont Sinaï, eh bien, le premier commandement dit « Anochi Hashem Elokecha »« Je suis Hashem, ton Dieu, quitté, sorti d'Égypte, de la maison d'esclavage. » Et un commentateur relève que la façon dont le Créateur lui-même, ou Dieu lui-même, ou l'Éternel, alors après il faudrait faire un travail sur les façons de traduire le vocabulaire biblique, mais le Créateur lui-même, quand il parle de lui, il ne dit pas « Ani » de l'hébreu, « je », il dit « Anochi », qui est une forme de que je devrais traduire en bon grammairien ou en mauvais grammairien, mais enfin si je maintiens la grammaire de l'hébreu, c'est pas « je l'éternel, je suis l'éternel ton Dieu », mais « comme je me présente comme si j'étais je », mais ne pensez pas que je suis je qui... Oui, je suis je, mais tel que je vous donne à me percevoir, je suis comme je. Donc attention, il y a une distance entre vous et moi, moi et vous. On est bien dans une relation nécessaire. Mais alors, vous voyez bien que les deux formules, les deux versets que je vous ai exposés, posent tout de suite une question forte, c'est celle de la relation qui s'établit entre le Créateur et les créatures dans le service qu'elle lui voue, dans la manière dont il, majuscule, se présente, etc. Voilà, maintenant, venons à la question de la part. Mais l'espace est déjà posé. L'espace est déjà posé. En effet, dès le début, on va voir que l'idolâtrie pourrait se traduire dans une phrase qui serait la suivante. Ce sont les manières de penser Dieu. Les manières dont les créatures pensent Dieu et disent Dieu. Et quand l'on regarde les manières dont les créatures pensent Dieu et disent Dieu, elles disent sur quelle base elles pensent Dieu. Alors, premier exemple, le serpent, dans son dialogue avec la femme, et la femme dans son dialogue avec le serpent, ils sont en train d'imaginer ce que Dieu a dit effectivement quand il a dit, au moment où il fait entrer Adam dans le jardin d'Éden, je te donne un ordre, et l'ordre se formule de la manière suivante, de tous les arbres du jardin tu mangeras, et de l'arbre de la connaissance du bien et du mal tu ne mangeras pas, car si tu en mangeais, tu en mourrais à coup sûr. Quand on regarde de près, le serpent et Chava, Ève, discutent de la manière de comprendre ce qui a été dit. Autrement dit, se développe une pensée de ce que le Créateur a dit. À partir du moment où se développe une pensée de ce qui a été dit par le Créateur, s'explique et s'expose les bases sur lesquelles on décide ou on revendique que le Créateur a parlé de telle manière ou n'a pas parlé de telle manière. Et ce qui apparaît très vite, c'est que, en réalité, au moment où le serpent et la femme évoquent l'ordre initial donné et son contenu, ses implications, ce qu'il faut en comprendre, se révèle ce que, au fond, le serpent a au fond de sa tête. Ce qui se révèle, c'est que lui, il a envie d'une chose, qui est tout simplement la femme de Adam. Il en a envie. C'est ça son job. C'est ça sa préoccupation. Derrière la discussion, c'est ça qui le motive. Et par ailleurs, ce qui le motive aussi, c'est d'avoir une accroche philosophique, mais aussi concrète, sur la capacité de décider à propos de ce que le Créateur a dit. Ce qui a été dit par le Créateur, jusqu'à quel point je le prends en charge. Et en réalité, si l'on regarde ensuite les développements du texte biblique, cette question de la part qui démarre avec le serpent, il veut une part qui ne lui revenait pas. Ce n'était pas de son univers à lui, la femme. Simplement, il va vouloir lui entrer dans un univers précis, celui de l'homme et de la femme, mais ce n'est pas son univers. En tant que créature, ce n'est pas son univers. Il va convoiter quelque chose, et à partir du moment où il aura convoité quelque chose, ce qu'il a convoité, il ne l'aura pas, et ce qu'il avait, lui sera enlevé. Là, il y a un modèle qui se met en place. Et c'est ce modèle de départ que l'on a décliné, non pas que l'on a plaqué ce modèle sur les différents épisodes du texte biblique, mais la question de départ, elle s'est élargie dans ses formulations et dans ses ramifications au fur et à mesure des épisodes que l'on a lus successivement, qui sont Caïn et Abel. Il y a une question de part et de reconnaissance des parts entre les deux frères. Et puis, les épisodes successifs que sont les deux frères, Yaakov et Esav, Jacob et Esaü, Joseph et ses frères, et puis après, ça quitte ses familles de patriarches, et puis ça se développe dans l'épisode du veau d'or, des explorateurs, du don de la Torah au Mont Sinaï, de Korach, celui qui conteste la prééminence de Moïse en disant « Il nous a été dit que nous sommes tous saints, que nous sommes une nation de prêtres et un peuple choisi ou un peuple séparé ou un peuple distingué. Si nous le sommes, il n'y a aucune raison qu'il y ait un chef quelque part et les autres suivent. On serait tous des chefs. » Mais voilà, de nouveau, comme dans le cas de la discussion entre le serpent et Ève, la formulation de Korach à propos de « si nous sommes tous saints, alors on peut tous être chefs, et pourquoi il y a un chef au-dessus de nous ?» Cette discussion, les éléments qu'il présente, cachent quelque chose d'autre qu'il faut mettre en lumière et que nous avons essayé de mettre en lumière. C'est une façon de décider sur sa propre pensée quelles doivent être les lois du monde. Et quand je dis les lois du monde, c'est à la fois cette réalité dans laquelle nous sommes, avec laquelle nous avons un rapport tous les jours, et cette organisation de la réalité à travers nos institutions juridiques, politiques, sociales, etc. Voilà le point de départ, et ensuite ça s'est développé dans les différentes parties successives des ouvrages, parce que, je termine par ça, il se trouve que les différents ouvrages de la même collection doivent suivre un protocole en termes de succession des parties. C'est un protocole qui a été proposé par Hervé Landau, et ce protocole veut que nous abordions successivement la problématique telle que le texte biblique la formule, puis telle que cette problématique-là se développe dans ce que l'on appelle la loi orale, le Talmud, et je vous remercie d'avoir insisté sur cette importance du Talmud et cette pérennité du Talmud comme structure de construction de la pensée. Et ensuite, il y a deux parties qui présentent les manières dont ce que l'on appelle les décisionnaires, c'est-à-dire ces personnes qui se situent entre le travail de l'interprétation et le moment de la décision juridique ou à vocation juridique. Donc il y a deux grandes étapes, les premiers décisionnaires puis les derniers décisionnaires, c'est la terminologie classique, après il faut comprendre. Et puis il y a deux dernières parties qui sont censées, selon le cahier des charges, alors après on respecte plus ou moins, mais ça, je veux dire, c'est pas grave, j'espère. Voilà, donc il y a les deux dernières parties qui, d'une part, doivent situer la problématique dans les termes les plus contemporains, et en même temps de rendre palpable dans le quotidien de chacun, si possible, ou dans les préoccupations de chacun, la même problématique. Voilà. Merci beaucoup. Donc j'imagine que d'abord vous avez beaucoup de questions. J'aimerais quand même citer le titre complet, l'idolâtrie ou la question de la part. C'est ce qui a été très bien montré. Il y a quelqu'un qui... Monsieur au fond. Oui. Quelqu'un a demandé la parole. Ce qui est fascinant, c'est toujours de voir comment, à partir de ce texte biblique, les questions sont reprises dans la tradition, constamment reformulées, redigérées, complétées, et dans une interprétation qui n'est en fait jamais terminée. On ne peut pas dire, par exemple, voilà ce qui a été dit maintenant, c'est le dernier mot sur la question. Ce sont des choses qui se... C'est une des fascinations de cette pensée juive. Il n'y a pas de question pour le moment, et on la remettra à la fin plus globalement. Alors je vais peut-être passer la parole à M. Landau, mais j'aimerais d'abord dire quelques mots de présentation. La prière conquête de la parole. M. Landau qualifie la prière d'outil parole. On parle comme d'un dialogue avec, je le cite, un dialogue avec soi-même, avec autrui, avec l'univers, avec le Créateur. Comme un outil de création entre les mains de l'homme qui répond au mouvement créateur de Dieu. Et cette prière, c'est évidemment un élément important, pas seulement dans le judaïsme, mais aussi dans le christianisme. Mais dans le judaïsme, j'ai l'impression que la prière et l'étude sont les deux éléments, les deux piliers essentiels. J'aimerais, si vous permettez, je vous coupe peut-être l'herbe sous les pieds, mais il y a un texte que je trouve tout à fait superbe à la fin et que j'aimerais lire sur la prière, la place de la prière dans notre société. L'auteur dit, enfin, M. Landau, « Notre monde est fait de vitesse et d'accélération, la prière est faite de temps et de recul. » Notre société est devenue fondamentalement consumériste. La prière est bâtie sur la dématérialisation des éléments qu'elle manipule et sur le rapport à l'âme de toute chose. Notre environnement s'enracine dans l'image et dans l'impression. La prière propose de se libérer du cadre étriqué de l'image première que nous nous forgeons des êtres et des objets qui nous entourent. Le monde occidental se développe sur la compétition et sur une forme de darwinisme social. La prière affirme l'harmonie des éléments et la perfection à l'appel de laquelle chacun d'entre eux ne saurait manquer, etc., etc. En tout cas, vous présenterez ça de façon parfaite. Vous le lisez fort bien, c'est-à-dire vous l'écrivez fort bien. Le ton que vous y mettez ne trahit rien de l'intention. Il me rappelle une autre expérience que j'ai découverte au PUF et qui se développe, celle du livre compté de manière sonore. Qui est quelque chose qui se développe chez certains éditeurs, et du livre de haut niveau, hein, en philosophie ou dans d'autres, en poésie, le CD adossé au livre devient quelque chose de répandu. Alors, en quelques instants, que peut-on dire de la démarche de ce livre? Tout comme l'idolâtrie, l'idée première consiste à reprendre des thèmes que l'on croit parfaitement connus, que l'on croit maîtriser, baliser, ou, c'était peut-être encore plus extrême pour l'idolâtrie, que l'on croit dépasser, qui aujourd'hui, en Occident en tout cas, considère encore que l'idolâtrie aurait pu être un problème. Et pour ce qui est de ce sujet, lorsque ces messieurs me l'ont proposé, ce qui m'a ravi, en dehors du fait que ça répondait à une attente dans la collection, c'était le fait que, dans les monothéismes, pour les monothéismes et pour le judaïsme en premier lieu en tout cas, mais pour tous les monothéismes, l'idolâtrie est l'un des fondements de l'éthos du monothéisme. Ça ne peut pas, l'un ne peut pas aller sans l'autre. Il ne peut pas y avoir de monothéisme sans qu'il y ait un interdit de l'idolâtrie. Penser que l'idolâtrie est quelque chose, en tout cas dans notre culture juive, qui n'existerait plus, qui serait plus d'actualité, c'est en fait avoir rangé au placard une partie énorme de notre éthos religieux. D'où, lorsque ces messieurs proposaient d'ouvrir le placard et de dépoussiérer, dans la mesure où leur démarche m'apparaissait comme de très grande qualité, je disais, mais bien sûr, c'est quelque chose d'absolument nécessaire. Et le résultat, à mon sens, est magnifique. Pour la prière, il y a une démarche comparable. Alors, la prière n'a jamais été au placard, mais elle est devenue relativement mécaniste. Mécanique ou mécaniciste, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a un effet d'habitude, un effet social, un effet d'obligation qui fait qu'on a, quand on le prend sur soi, quand on s'identifie à cette chose, qu'on a de moins en moins de recul par rapport à la pratique, un effet qui est renforcé également par l'abstraction de la chose. On parle, on dit des choses, mais on les dit dans une langue qui n'est pas la langue la plus celle de notre quotidien. On les dit d'une manière qui, pour certains, sont maîtrisées, au moins dans la traduction, pour d'autres, ne le sont pas tout à fait. Et ils le disent avec conviction malgré tout. Ça pose un certain nombre de problèmes. Le texte de la prière est normé. Il est, et bien sûr, il y a la prière naturelle que chaque homme, chaque femme peut exprimer à tout moment de la vie. Mais dans le cadre religieux, où que ce soit, et je pense que dans n'importe quelle église, c'est la même chose, il y a tout de même une norme du rite qui définit le texte. C'est-à-dire qu'on n'est pas propriétaire du texte. On adhère à quelque chose, on y entre, on essaye de trouver sa propre voie d'expression dans quelque chose qui est prédéfini. Ce qui présente aussi un cadre limitatif. Et donc, revisiter cette chose pour, je vais employer un terme un peu choquant, mais je vous le livre tel quel, pour la réhumaniser, pour se la réapproprier, sans la dégrader pour autant. Si vous voulez, il y a une question de rapport au religieux, ou si je reprends un langage très puf, au fait religieux. Nous sommes tous, j'allais dire par hasard, mais pas tout à fait par hasard, dans cette collection, des gens pratiquants. Ça se voit assez facilement sur nous. Ça aurait pu ne pas être le cas. Quand on est pratiquant, ou quand on adhère au religieux, la question du dogme, la question de l'autorité du dogme se pose en permanence. C'est-à-dire, que puis-je dire du religieux, que puis-je dire du texte, jusqu'où ai-je l'autorisation d'aller dans l'ouverture des questions du commentaire du texte sans pour autant le profaner en restant dans la légitimité du cadre religieux? Où puis-je exister comme homme avec ma propre pensée, ma propre parole qui s'intègre à ce cadre-là sans pour autant remettre en question les fondamentaux de ce qui fait le religieux et de mon adhésion au religieux? Ça, c'est une tension qui est permanente, qui existe, à mon avis, dans à peu près toutes les religions. C'est inhérent au fait religieux et à l'adhésion religieuse. Elle existe également dans le judaïsme et dans la société juive, dans toutes les sociétés juives, parce qu'elles sont diverses. Elles sont en tout cas, cette question est en tout cas beaucoup plus souple dans le cadre juif que l'on ne peut le penser. Et c'est précisément l'une des innovations de notre collection, c'est précisément ce que veut dire aussi cette visite à nouveau de la prière. J'ai quelque chose de connu, qui paraît sacro-saint, qui paraît figé, qui paraît entièrement défini, et je dis, oui, mais je dois le revisiter pour m'en imprégner, pour refaire le chemin de tout ce qui a mené à ce texte-là, donc pour me l'approprier. C'est ainsi que ce livre est, d'une certaine manière, en se refusant d'être un livre d'histoire, il est tout de même aussi, à un second niveau, un livre d'histoire de la prière, pas exhaustif. Mais il reprend, dans le cadre juif, la manière dont ce qu'ont été les toutes premières prières de l'humanité, Abraham et Sodome, ce qu'a été le temps, justement, jusqu'à Abraham, où on ne voit pas l'homme parler à Dieu. Dieu parle un peu, pas beaucoup. Les hommes agissent beaucoup, ils parlent un peu entre eux. Ils ont aussi beaucoup de méfaits, ils tuent, ils construisent des cités. Mais on ne voit pas d'échange. Dans la tradition biblique, c'est 1000 ans, ce qu'on appelle le premier millénaire, qui va du meurtre de Abel par Caïn jusqu'à Abraham. Ce sont 1000 ans, et même Noé, qui est l'homme désigné pour reconstruire un monde après une destruction, Noé reçoit des ordres de Dieu, il reçoit des recommandations, il écoute Dieu, mais jamais il ne parle à Dieu. Abraham commence, il y a d'autres. Après, la prière, c'est ce que j'essaie de montrer dans tout le texte biblique, dans les prophètes, va évoluer, va prendre des formes. Elle va prendre la forme d'un service divin, et elle va prendre la forme d'un service du temple, donc d'une institution nationale. Et puis, la souveraineté juive éclate. La souveraineté juive éclate, donc le peuple juif commence à vivre entre collectivité et individu. La collectivité existe encore, les juifs sont encore beaucoup en terre d'Israël, mais ils n'ont plus d'état autonome. Donc la notion de communauté, petit à petit même celle de synagogue, de petits groupes, va apparaître autour de la prière. La prière articule tout cela, elle fait la vie du groupe social. Mais du coup, l'individu, lorsque le groupe social est une petite communauté, je dirais même de quartier, dans le langage d'aujourd'hui, que c'est plus forcément le temple de la nation, eh bien l'individu petit à petit émerge. Et donc une autre tension se développe entre l'individu et le collectif. Et tout cela s'articule encore et encore à travers les formes de la prière, à travers les types de textes qui vont apparaître. Comment ? C'est un élément très intéressant. On pourrait croire que si la prière est quelque chose de figé, on l'aurait donné dans la Torah, dans la Bible, une fois pour toutes, dans un rite, et puis après ça ne bouge plus pendant 3000 ou 5000 ans, ce qui n'est pas du tout le cas. La prière est quelque chose qui se développe. Elle commence des sacrifices d'ailleurs, mais elle va dans les mots, dans les textes, elle va se développer. C'est donc, on parlait d'outil de création, cet outil de parole de création de l'éthos du collectif, de l'identité de chaque communauté juive, et finalement de chaque être au moment où il est, dans les temps où il vit, dans le lieu où il vit. Vous savez, des juifs, beaucoup de choses vont se développer. Les premiers livres de prière juifs vont se développer en Irak et en Égypte. Ces livres de prière au 8e ou 9e siècle. Ces livres de prière vont servir, au-delà de ces pays-là, en Allemagne, en Europe centrale. On n'imagine pas qu'à cette époque, très curieusement, il y a des liens qui existent, des flux d'échanges intellectuels et spirituels entre ces pôles-là, ces pôles communautaires, et ça va consolider une prière commune de base. Et puis après, il va y avoir des branches qui vont se séparer. Autour de l'an 1000, au 12e et 13e siècle, une vraie tradition d'Europe centrale et française aussi va apparaître avec d'autres livres de prière, avec une identité différente, qui va prendre en compte les événements, qui va prendre en compte les croisades à certains moments. Et le vécu de chaque communauté va petit à petit s'exprimer dans la prière. Donc c'est là qu'il y a un outil de création de la collectivité et de l'individu. Beaucoup plus tard dans le livre et l'époque contemporaine, je parle de la prière politique, la prière qui fait référence par exemple à la République en France. Dans d'autres pays, on retrouve la même chose aux États-Unis ou dans d'autres nations. Il y a évidemment la référence à Israël qui pose un autre problème d'identité politique et religieuse, qui crée des conflits. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est pas tant, bien sûr c'est très intéressant la dimension historique, déjà savoir comment les choses se sont développées, c'est de mesurer à quel point cette parole très particulière qu'est la prière est un outil effectivement, un outil de progression identitaire de soi et de création d'identité pour soi et pour la collectivité. C'est, vous savez, les rabbins à partir de, justement du 10e et 11e siècle ont qualifié le livre de prière de petit temple. C'est une expression qui revient souvent. Et au-delà du charme de cette expression, il y a quelque chose de profondément réel dans cette formulation, c'est que, comment dire, le peuple juif est un peuple qui finalement est très peu attaché à la terre. Alors évidemment, quand vous écoutez les nouvelles le soir et que ça fait, depuis que vous vous souvenez d'avoir eu un poste de télévision, vous entendez parler plusieurs fois par semaine du conflit au Moyen-Orient, vous dites, c'est pas tout à fait précis. Mais au fond, si vous regardez sur plusieurs milliers d'années, et sans qu'il y ait la moindre connotation sioniste ou non-sioniste dans ce que je dis, je ne suis pas du tout sur le plan politique, l'éthos de ce qu'est le judaïsme à travers l'évolution des juifs est quelque chose qui a un attachement très profond à la terre d'Israël comme une valeur spirituelle, beaucoup plus que politique, mais qui a surtout un attachement qui dépasse la dimension de la terre, qui est dans quelque chose de très abstrait. L'une des questions qu'on se pose, c'est mais comment cette tradition, ce peuple, appelez-le comme vous voulez, après toutes ces persécutions, persiste et renaît sans arrêt. C'est parce que les secrets de cette renaissance permanente sont justement dans une autre dimension que celle de la terre, de l'agriculture, de la géoéconomie, qui sont présentes bien sûr. Mais ce qui fait le noyau identitaire le plus fort, c'est justement cette abstraction de la pensée, de la spiritualité, de la création dans des dimensions les plus authentiques, et cela, ça se trouve dans la parole, et dans une parole qui génère toutes les paroles, qui est la prière. C'est peut-être, alors, vous savez, on peut parler de ce qu'on fait pendant des heures, mais si on veut se résumer, c'est peut-être l'une des clés qui m'a amené à formuler le livre. Je pense que vous avez remarqué pour les deux conférences que ce sont des livres qui nous apprennent énormément sur le judaïsme, mais ce ne sont pas simplement des manuels destinés à faire connaître le judaïsme, ce sont des questions qui interpellent, en tout cas pour la prière tout croyant, et qui, pour le sujet sur l'idolâtrie, qui interpellent tout être humain, en fait. Donc ce sont vraiment des questions qui c'est pas simplement un sujet très technique. Est-ce qu'il y a des questions sur la prière? Madame. Qui c'est qui peut modifier les livres de prière et rajouter ou enlever ou... Donc la question est de savoir si dans ces livres de prière, s'il y a une autorité qui peut modifier le contenu de ces livres de prière en modifiant le texte ou en ajoutant d'autres éléments. Votre question est très intéressante et la réponse est simple, mais elle est diffuse en même temps. Ce sont les sages. Alors qui sont les sages? Qui sont les sages? Selon les époques. Alors il y en a à toute époque. Et les sages, il y a plusieurs composantes qui reconnaissent un ou des sages. Et paradoxalement, je vais en citer deux. L'une, c'est d'être récipiendaire d'une tradition. Une tradition qui remonte très très loin. On sait quand on a un grand sage dans le monde de l'étude, qui était son maître principal ou ses maîtres. On sait ces maîtres-là, qui étaient leurs maîtres. On peut remonter sur plusieurs centaines d'années, souvent, à une tradition à laquelle un grand maître actuel se rattache très clairement. Il est, d'une certaine manière, implicitement proclamé par un entourage qui n'est pas un entourage au sens politique, mais c'est toujours cette notion de tradition du savoir. Pas seulement de tradition, mais tradition du savoir. Il y a une transmission et un mode de transmission. Ça, c'est un point. Mais il y a un autre élément qui est majeur, et dont certains vont souffrir peut-être, parce qu'ils sont des grands sages, mais qui n'ont pas été reconnus. Il y a un élément démocratique. Et là encore, le judaïsme, j'évoquais tout à l'heure la relation au dogme et à la souplesse du dogme. Le judaïsme est en fait le plus orthodoxe, et en fait un cadre d'une très très grande souplesse et d'une très grande humanité. Parce qu'il y a des tas de gens qui sont de grands sages, mais qui n'auront jamais cette position sociale, parce que, si je peux me permettre cette expression, le peuple ne les reconnaîtra jamais comme tels. Et donc, ce qui fait finalement le sage qui va avoir l'autorité de dire ou de faire certaines choses est un mix de ces éléments-là, voire de quelques autres paramètres. Mais je voudrais donner un exemple pour répondre à votre question. Le peuple juif a vécu un traumatisme majeur au XXe siècle, qui est la Shoah. Traditionnellement, quand on en parle très rapidement et sans rentrer dans les finesses, on considère qu'il y a eu, en termes de comparaison, si on peut comparer, chaque traumatisme est un traumatisme, 3 ou 4 très grands traumatismes historiques nationaux du peuple juif. Le principal étant la destruction du temple, ou des temples, tous les deux célébrés le 9 Av. Pardon. La date convertie. 9 Av. Pardon. C'est une date. Voilà. C'est plus ou moins. Effectivement, le 9 du mois d'Av et la date à laquelle les deux temples, à 4 ans et quelques années de différence, ont été détruits. Ça, c'est le traumatisme majeur. Il y a un autre traumatisme plus étendu, qui est le traumatisme des croisades. Il y a eu des pogroms plus tard, en Europe de l'Est ou dans d'autres endroits, mais le traumatisme des croisades, en termes de guerre religieuse, et au niveau national, je dirais, enfin, si on peut parler national, au niveau du patrimoine juif, de la mémoire juive, quelque chose de majeur. Il y a le traumatisme de l'Espagne, 1492. L'expulsion des Juifs d'Espagne qui était en harmonie parfaite, relative. Qui était à la fois sur le plan purement juif une culture de très très très grande production, de très grande richesse, et sur le plan social, économique et social, l'Espagne étant dominante à l'époque, et les Juifs ayant une position économique et sociale de grand choix, et qui était aussi une société très proche du royaume et très productive. Et tout cela bascule d'un jour à l'autre. Avec des centaines de milliers de morts, avec des centaines de milliers de réfugiés qui vont aller vers le Portugal, puis vers la Hollande, l'Italie, etc. Donc ça, c'est aussi un traumatisme majeur. Et puis, il y a le traumatisme autrement. Peut-on parler de comparaison autrement plus violent dans la rapidité et dans l'étendue, qui est celui de la Shoah. Chacun de ces événements a donné lieu, et en particulier les croisades, par exemple, à des prières, à des formes de prières. Sur l'Holocauste, j'emploie encore parfois ce terme, même s'il n'est plus du tout à la mode, c'est pas une question de mode d'après moi. C'est effectivement un terme problématique, mais sur la Shoah, on va dire. Très vite, de très grands rabbins sortis des camps de concentration ont composé les prières. Alors, un instant, je vais vous dire pourquoi je donne cet exemple. Un peu plus fort. Mais il y a eu. C'est-à-dire que le débat sur la question de savoir si le jour du 9 Av, qui est le jour de la commémoration de la destruction des deux temples, donc. Environ 2000 et quelques années plus tôt, 2000 ou 2400 ans plus tôt. C'est ce jour-là, puisqu'on avait rajouté au fil du temps des prières spéciales pour ce jour-là qui faisaient référence aux croisades. Est-ce qu'on pouvait ajouter des prières qui fassent référence à la Shoah? Ce débat a commencé immédiatement après la Shoah. Et il a fallu plusieurs décennies pour, je dirais, commencer à arbitrer. Parce que bien sûr, on a dit on est trop proche. De très grands rabbins l'ont fait immédiatement. Mais pour vous dire à quel point, ce qui m'intéresse dans cette évolution et dans votre question, c'est que ça matérialise de manière extraordinaire à quel point la prière est cet outil de création de la société, de prise en main de son devenir psychologique, psychosocial. Elle porte toute la vie de la société. C'est un sacré débat entre les juifs que de savoir si on peut déjà, 10 ans ou 15 ans après la Shoah, et formuler cette chose en prière. Lorsque d'autres disent non, c'est trop proche, c'est trop traumatisant, on n'a rien à dire là-dessus. On ne peut dire que la révolte, le silence. Et puis petit à petit, il y a 2 ou 3 prières qui se sont imposées, et pas chez tout le monde. Et il y a effectivement 2 prières particulières de 2 très grands rabbins qui sont lues ce jour-là dans beaucoup de synagogues. Et ça, c'est une illustration, à mon sens, très intéressante, à la fois par votre question, et par rapport à cette notion d'évolution de la prière et du fait religieuse comme quelque chose de très très vivant dans la société, et pas uniquement une sorte de dogme qu'on impose et qu'on pratique de manière mécanique. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Je pense que on pourrait ajouter un élément dans ce débat, et c'est que l'une des raisons, ou la raison essentielle de la prudence qui est mise à chaque génération par rapport à cette question, où vous avez restitué, je dirais, la tension entre une histoire, des individus, des sociétés, des événements, c'est que le corpus de la prière, tel qu'il se développe, et il s'est développé, tel que vous l'avez énoncé, le corpus de la prière doit de toute façon être animé et conservé, être animé par des principes centraux, fondamentaux, qui eux sont indéracinables et qui reviennent au fondement, je dirais, de la croyance et de l'attachement au grand thème de notre identité philosophique, spirituelle, etc., la prière étant une des manières de matérialiser cette expression de ces fondamentaux, n'est-ce pas ? Et la prudence mise, le temps mis à élaborer concrètement ces prières génération après génération, tient à la nécessité de métaboliser les événements, les évolutions, les options possibles au regard de ce qui ne doit pas bouger dans l'édifice, parce que il y a un attachement à ces impératifs, par exemple pas de représentation du divin. Alors vous allez me dire, mais alors quel rapport entre la prière et... Mais voilà, quand je dis, c'est à ces impératifs-là que celui qui doit réfléchir sur la prière, qui se met en prière ou qui veut faire bouger quelque chose, c'est à ces impératifs que celui-ci, qu'il soit sage ou moins sage, maître ou moins maître ou étudiant, est appelé à se confronter avant de prendre une quelconque décision, donc au moment où il réfléchit aux options possibles. Je voudrais appuyer ce que vous dites simplement par un exemple à madame de l'Assemblée qui, je pense, intéresse particulièrement la sensibilité chrétienne. Le premier rabbin, entre guillemets, qui n'était pas rabbin, qui s'est autorisé à rédiger des prières qui expriment, j'ai beaucoup aimé le terme que vous venez d'employer, de métabolisation. Métabolisation du fait social, métabolisation de sa propre expérience personnelle, de toutes les dimensions de la vie, c'est-à-dire le gagne-pain, la souffrance physique, la souffrance intérieure, la dépression. Eh bien, ce premier rabbin, entre guillemets, n'était autre que le roi David, dans les psaumes. Dont vous parlez très peu. Dont je parle très peu. On peut pas, c'est exact. Non, mais parce que c'est un sujet en soi. Vous avez tout à fait raison. Alors ça, c'était tout à fait choisi. C'était, ça a été une très longue hésitation. Comment parler de cela? Non, vous faites penser à quelque chose, parce que madame aussi, vous voyez ce que j'ai donné comme exemple à madame, quand je parle de la prière politique ou de l'évolution contemporaine, j'aurais pu donner cet exemple. Il y a tellement de choses à dire. On a un format extrêmement dense, donc on essaye de rester sur l'essentiel. Mais c'est vrai, la question des psaumes est une question qui m'a taraudé pendant très longtemps durant cette écriture, et j'ai fini par décider que, ou on y consacre pratiquement un volume, ce qui peut être le cas un jour, ou c'est trop difficile d'en parler, c'est tellement vaste, tellement varié, que en parler en quelques pages, pas seulement en quelques lignes, me paraissait trop réduit. Mais au fond, c'est cela. Le roi David est un excellent exemple de par sa démarche, mais de par, et je reprends tout à fait ce que disait M. Adarès Pérez, c'est-à-dire qu'il a été intégré au canon biblique. Il n'est pas dans le culte. Ces psaumes sont utilisés dans le protocole de prière, mais ils ne sont pas obligatoires généralement. Ils font partie du protocole. Ils sont un peu des rajouts en quelque sorte. Ils ne sont pas le cœur du protocole. Donc il y a ici une sorte d'échange entre la création personnelle, le faculté, semi-facultative, et ce qui fait, comme le disait Samuel Sauvage, l'autorité, le cadre d'autorité. Donc toujours cette tension entre le dogme et le personnel, l'individu, l'humain. Je crois que c'est vraiment l'ancêtre de cette démarche. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions sur ce sujet de la prière, sur l'idolâtrie ou sur d'autres livres de la collection? De toute manière, après, on va bientôt arrêter ce débat d'ensemble et vous pourrez discuter individuellement avec les auteurs. Est-ce qu'il y a encore quelques questions? Oui. Peut-être sur l'idolâtrie, est-ce que vous pourriez illustrer... Donner un exemple, qui nous montre comment la problématique peut ressurgir aujourd'hui. Ben, c'est la question de la part, justement. C'était... Oui. Voilà, mais si vous mettez-vous d'accord. Un nom. Vous avez de quoi dire, Olivier ? Bien sûr. Bien sûr, alors allons-y. Monsieur le rabbin. Monsieur le rabbin. Oui, bien sûr. Par exemple, on dit toujours, il y a toujours cette phrase qui voudrait que les autres, par exemple les non-juifs, prennent la place du juif. Alors nous, on a expliqué à l'envers, expliqué en quoi le juif prend la place des autres. Donc ça veut dire que parce que tout, comme on dit que tout tourne autour de la part, c'est que, comme on le voit à l'heure actuelle, dans le quotidien, toute la problématique, si vous voulez, c'est comment je vais essayer de prendre la part d'autrui. C'est ça, en vérité, le problème de l'idolâtrie. Ça veut dire comment je fais pour sortir de ce qui devrait être mon univers à moi. Par exemple, dans la relation, si on prend la relation à Dieu, alors dans le judaïsme, Dieu, il y a un mode d'emploi. À partir du moment où je sors du mode d'emploi, je suis dans l'idolâtrie. Pourquoi ? Parce que même la notion de Dieu elle-même, si vous voulez, on a une phrase qui explique que la phrase « on a tous le même Dieu », c'est la phrase la plus idolâtre qui soit. On ne peut pas faire pire que « on a tous le même Dieu ». Pourquoi on ne peut pas faire pire que cette phrase-là ? Parce qu'on dit « on a tous le même Dieu » et chacun fantasme son propre Dieu à lui. Ben, on n'a pas tous le même. Puisque toi tu penses comme ci, toi tu penses comme ça. Moi je pense que surtout pas le tien, mais le mien. Donc si vous voulez, cette phrase-là, on explique que c'est un drame, premièrement. C'est vraiment le drame actuel, on a tous le même Dieu, et il faut arriver à se dire, on n'a pas tous le même Dieu, alors c'est quoi le tien, c'est quoi le mien, et on commence à revenir dans les parts. Mais les parts, c'est pas pour se séparer. Les parts, c'est pour ne pas faire semblant de se rapprocher. C'est ça la grande nuance. Ça, c'était un premier problème. Et deuxième problème qu'il y a d'actuel, si vous voulez, c'est que est-ce que quand on parle de Dieu, on parle vraiment de Dieu ? Alors on a essayé de montrer qu'en vérité, le problème des religions, c'est que quand elles parlent de Dieu, et qu'elles n'ont pas le mode d'emploi forcément, alors à part le fait de parler de son propre fantasme à soi, de Dieu, qui est déjà une problématique, mais en plus, si vous voulez, dans le judaïsme, quand on parle de Dieu, si vous voulez, Dieu c'est lui-même un produit. Et si vous voulez, on a essayé d'expliquer ce que c'est que le monothéisme relatif et le monothéisme absolu. C'est-à-dire les gens, quand ils pensent à Dieu, donc puisqu'ils n'ont pas le mode d'emploi, donc à part le fait que chacun son truc, mais en plus ils en parlent dans l'absolu, en pensant que Dieu c'est Dieu. Alors nous on essaye d'expliquer pourquoi Dieu c'est pas Dieu. Et si on n'a pas compris ça, et qu'on pense que Dieu c'est Dieu, c'est un drame. Et derrière ce drame, il y a la problématique de l'idolâtrie. Mais dès qu'on a compris que Dieu n'est pas Dieu, tout va bien. Tout va bien. Bon, vous avez là un bel exemple de raisonnement rabbinique dans lequel on a parfois la peine à rentrer. Mais c'est bien décrit dans le livre. Simplement. Mais après Lille. Il faut continuer jusqu'à Tourcoing. Monsieur Landau. Sur les projets, parce que bon, c'est des collections qui avancent assez vite, parce qu'il faut dire un peu plus de 6 mois, 5 volumes qui sont sortis. J'imagine que d'autres sont déjà sur presse. Et... Alors nous avons, pour faire très concis, on a travaillé 3 ans à la préparation de cette collection, à sa sortie, comme une collection de ce niveau-là. Donc évidemment, quand vous voyez une production, c'est parce qu'il y a, comme on dit, du tuyau derrière, et nous avons aujourd'hui plusieurs ouvrages, un grand nombre d'ouvrages en préparation. Pour vous donner quelques clés, je voudrais d'abord juste insister, parce qu'on a été justement dans deux sujets plus abstraits que sont l'idolâtrie. Dieu, c'est pas Dieu, c'est un peu abstrait, mais je trouve que ces auteurs arrivent à atterrir justement dans leur ouvrage. Moi-même, la prière, qui est un sujet aussi un peu abstrait, moins abstrait parce que plus proche de notre quotidien, j'essaye de le traiter de manière très concrète, très historique. Mais nous avons des ouvrages qui sont là, qui sont encore beaucoup plus concrets. Par exemple, celui sur l'éducation et le judaïsme fait ravir absolument tout le monde de par sa documentation extraordinaire sur ce rapport entre science et éducation religieuse au 2000 ans durant, avec des discussions sans fin entre les rabbins qui ne sont évidemment jamais d'accord, puisque deux juifs sont rarement d'accord. Ils s'aiment beaucoup, mais ils sont rarement d'accord. Donc les rabbins leur donnent l'exemple. Les livres de monsieur, du rabbin Milevski sur les fêtes sont très concrets, très classiques de ce point de vue-là. Et alors, nous préparons d'autres. On essaie tout de même de mêler les styles d'écriture et de thématique. C'est ça que j'essaie d'exprimer. Et dans la prochaine année, vous devriez voir, alors ça, il faut être tolérant avec les auteurs, leur rythme, vous devriez voir apparaître dans notre collection un livre sur l'esthétique, le beau. Le beau, mais le beau au sens à la fois de la pensée grecque et de l'art, et jusqu'à l'esthétique moderne. Donc le beau traversé dans toute la tradition, l'esthétique traversée dans toute la tradition et dans toutes ses dimensions, le rapport au beau entre, en termes de savoir d'autres traditions. Ça c'est un livre. Nous avons un livre que j'espère arriver encore à sortir cette année, qui porte sur un thème qui n'est pas encore son titre. Alors, je vous révèle des grands secrets de fabrication qu'on ne va pas raconter à l'extérieur, que nous appelons entre nous pour l'instant liqueur biblique. Quoi donc ? Liqueur biblique, qui est un rapport préparé par un professeur de psychologie de l'université de Strasbourg d'ailleurs, qui va sous une forme un peu psychanalytique dans le rapport entre psychanalyse et Torah. Analyser les rôles que joue l'alcool dans la Bible, mais du coup dans l'ensemble de la tradition. Parce que le vin est quand même quelque chose de très sacralisé, qui sert à sacraliser. Il y a d'autres formes d'alcool, d'autres occurrences. Et c'est quelque chose qui traverse effectivement, bien sûr, la Bible, mais la tradition, et qui sera traité, qui a fait l'objet en fait d'un séminaire au départ à l'Institut Elie Wiesel, qui est notre partenaire à Paris, et qui va faire l'objet d'un livre. Nous avons un autre livre duquel j'attends énormément. Je vous donne quelques exemples, je ne vais pas tout vous révéler non plus. On a à peu près une quinzaine d'ouvrages en travaux. Donc je vous donne juste quelques exemples pour parler de la diversité et des prochains volumes qui paraîtront, je dirais, entre aujourd'hui et avril 2012. Un livre sur l'évolution de la condition féminine dans la tradition juive, depuis la Bible jusqu'à aujourd'hui. Livre hautement risqué. Hautement risqué quand on... Et attendu, bien sûr. Ben donc il faudra organiser une autre table ronde l'année prochaine. Voilà, pour vous montrer à quel point on essaye de couvrir... Alors ici on est dans les bibliothèques idéales ce soir. Donc on essaye effectivement de créer une bibliothèque de thèmes où seront reformulés de manière très large et très accessible et très profonde aussi les thèmes les plus actuels dans la visite la plus ancienne qui puisse en être. J'aimerais, le rabbin Milevski n'est pas là, mais j'aimerais quand même vous lire une note qui est assez intéressante. C'est à propos d'une exigence formulée pour la fête de Pentecôte de laisser un coin de terrain moissonné pour les indigents. Et le texte que je lis est suivant. La Torah demande à l'agriculteur de céder des épis encore attachés à la terre ou déjà moissonnés, les céder à l'indigent. Mais n'aurait-il pas été plus judicieux d'exiger de l'agriculteur d'offrir aux pauvres des mets déjà préparés ? Non, répond un maître. Il ne faut pas que le pauvre ait l'impression d'être un assisté, un profiteur, quelqu'un qui ne mérite pas ce qu'il mange, puisqu'il n'a pas travaillé pour obtenir ce qu'il a reçu. Le pauvre doit pouvoir se regarder dans un miroir sans avoir honte de lui-même. Pour cela, l'agriculteur lui cédera des épis. Ensuite, c'est le miséreux qui battra le blé, le moudra, le vannera, le cuira. Il aura littéralement mis la main à la pâte. De fait, il pourra ressentir la satisfaction d'en manger d'un produit pour lequel il aura travaillé. J'ai trouvé cette interprétation tout à fait superbe. Et je vous livre maintenant les auteurs que nous pouvons applaudir pour leur... Merci beaucoup. Vous avez lu avec beaucoup d'attention. Oui, et d'intérêt. certains plus facilement que d'autres, celui-là se lit comme un roman. Oui, tout à fait. Le vôtre, c'est le plus dur. Oui, oui, on admet volontiers que c'est le plus dur. Parfois, il aurait fallu traduire les termes hébreux. Je vais rapporter cet instrument à la personne qui l'a posé parce que je suppose qu'elle doit. Je vous rapporte ceci parce que je suppose que...